Il dit par contre parmi justement les fondements des gens de la sunna et de la jama'a, dans les masa'il khilafiyya, dans le khilaf qui émane d'un ijtihad et dans lequel justement dans ce sujet-là l'ijtihad est permis, ils ne se divisent pas pour ça. Ils restent frères. Non, il n'en résulte pas du mépris ou de l'animosité ou de la rupture ou du hajj ou autre. Toute mas'ala dans laquelle le ijtihad a sa place et que celui qui n'est pas dans ton avis, il n'y a pas à se diviser pour cela. Et ça c'est clair. Par exemple, il cite l'exemple de ceux qui, certains parmi les imams, faisaient la salade derrière des gens pour qui normalement eux voyaient que leur salade n'était pas valide. C'est quoi l'exemple? L'ahm el-ibil, manger de la viande de chameau. Il y a un khilaf dessus. Il y a des ulama qui voient que c'est pas un akid de l'odo. Donc il y en a parmi eux, les ulama, ils voient que l'imam Foulani qui est devant eux, lui il est d'avis que la viande de chameau n'est pas l'odo. Et il sait que par exemple au rada, au repas de midi, il a mangé du chameau. Il n'a pas refait l'odo. Donc lui, il dit normalement pour moi, la salade elle est partie là. Mais je sais que c'est un avis sur lequel il y a une divergence. Il y a d'autres adilés qui sont venus qui amènent à cette divergence, qu'elle est compréhensible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait salade derrière lui quand même. Et il ne divise pas avec lui. Parce qu'il sait que cet avis à lui, que lui il a, il y a une chihad dessus. Il y a un wedge qui fait que lui peut penser cela. C'est pas une masala wadiha, qati'a, où il y a ijma' dessus, ni ijma', ou même s'il y a un dalil qui est présent, ce dalil a été interprété par d'autres sur l'autre version. Quand même, certains ils voient que c'est mansour, que c'est abrogé le jugement. Il y en a, ils voient que la viande de chameau, le jugement il est abrogé. Ou il y en a, ils voient que c'est mustahab. Que tu fais l'ozo de la viande de chameau, que c'est mustahab, c'est pas wajib. Un khilaf il existe depuis longtemps. Donc quand tu connais le khilaf, justement, ça rassure la situation, savoir comment gérer. Le khilaf, est-ce qu'il a une origine? Est-ce qu'il est considéré? C'est le cas, pas de division, et on s'unit. Autre khilaf, par exemple, tafahum, les mains sur la poitrine lorsque tu lèves du rukou. Les deux parties, les deux avis sont se basent sur le même hadith. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsqu'on revient du rukou, que chaque os revient à sa place. Donc là, il dit, bah, revient à sa place. Avant le rukou, on était les mains sur la poitrine. Donc chaque os revient à sa place. D'autres ont dit non, leur place d'origine, c'est-à-dire lorsque tu es les bras ballants. Donc les deux avis sont basés sur le même dalil. Donc le hadith est interprétable. On ne va pas se faire la guerre pour ça. Tu ne vas pas faire la guerre à l'autre pour ça. Il a son avis, il a un dalil. Même si toi tu as le dalil, tu l'interprètes différemment. Maintenant, tu as des masa'il. Le khilaf, il est de trois sortes. Tu as khilaf, tu as fa'ahum, comme ce que je citais à l'instant là. Lorsque le dalil est interprétable. Ou lorsque dans le sujet, il y a ijtihad, il y a sa place. Maintenant, après, tu as le ijtihad, tu as wa. Et celui où tu as plusieurs ahadith qui viennent sous l'action est faite de différentes façons. Par exemple, du'at et l'istiftah. L'istiftah, quand tu fais la salat, tu fais le takbir. Tu as différents du'at. Il y en a, il va dire un, et il y en a, il va dire un autre, ainsi de suite. C'est une divergence, mais une divergence de variété. Toi, tu peux dire cela, moi, je peux dire celui-ci. On a tous un dalil. En fait, il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Après, tu as le khilaf, tazad, celui-là. Celui où il y a une mas'ala, où il y a le dalil est clair, et quelqu'un vient s'opposer au dalil. Il vient faire un ijtihad, là où il n'y a pas d'ijtihad. Là, dans ce khilaf-là, tu peux blâmer ton opposant. Et plein de gens n'ont pas compris ce sujet-là, des khilafs. Eux, ils voient, dès que tu as mis un ijtihad, pour eux, c'est ijtihad, il y a khilaf, il y a la baisse. On dit, non. On dit, est-ce que l'ijtihad, il est à sa place? Et est-ce que la mas'ala, on peut faire un ijtihad dedans? Par exemple, un exemple que je cite souvent, sur lequel les gens trouvent qu'on est dur et pourtant il est réel, le taswir, les photos. Filmer tout ça. On a plein d'ahadiths qui sont clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'an Allah al-musawwirin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Inna ashad al-nas azaban yawm al-qiyamah musawwirun. Wa la yadkhul al-malaika baytan fi kalb aw sura. Que Allah subhanahu wa ta'ala a maudit ceux qui façonnent des images. Et que les anges n'entrent pas dans une maison dans laquelle il y a une image ou un chien. Rien de zalika. On a des preuves ou on n'a pas des preuves? Elles sont claires ou pas claires? Est-ce que maintenant il y a lieu de venir dire ouais, maintenant la caméra, la paix, on a dit Moussaouir. C'est mutlak. Et c'est un love, il est am. Est-ce qu'on a un hadith qui vient pour dire qu'on peut diviser entre les choses pour comprendre? On n'en a pas. Donc maintenant, celui qui fait un ijtihad, on dit toi, tu es en erreur. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu vas faire là. Qu'est-ce que tu vas faire là? C'est un grand péché. Nous, on a des preuves, des hadiths avec nous. Tu as quoi, toi? Cheikh Foulani l'a dit. On dit, voilà. on dit non, on s'arrête là. Le taswir, on a des hadiths sont venus, c'est parmi les grands péchés. Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'il y a un oui mais? Il n'y a pas un oui mais. T'as un hadith qui amène à ce qu'on peut comprendre le hadith de façon différente? T'en as pas. Ce que tu vas avoir, c'est un shir, qu'on va faire un ijtihad. Toi, l'ijtihad, tu vas le suivre. Toi, dis, ben, le shir, lui qui est là, comme ça va venir dans le shar, le hakim, il ijtahada wa akhta falau ajr, wa izi asabar ou ajran. Le juge, si jamais il fait un ijtihad et qu'il se trompe, il a une récompense. Si jamais il la voit juste, il a deux récompenses. Donc le alim peut être amené des fois à faire un ijtihad. Il n'est pas infaillible. Donc lui, le hadith bien, elle est hakim. C'est pas tout le monde. Donc maintenant toi, tu dis, moi je veux faire telle et telle chose. On te dit, c'est quoi ta preuve? Allahu qala fil Qur'an kaza wa kaza wa kaza. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, kaza wa kaza wa kaza. C'est quoi ta preuve pour t'opposer à cet ordre? Oui, mais Shir, il a dit, on dit Shir, barakallahu fik, il rentre dans le hadith. S'il a fait un ijtihad, il a une récompense, il se trompe. Toi, dans le hadith, tu rentres pas dedans, toi. Donc maintenant, on t'a exposé les preuves. On te redit, la preuve, qala Allah ta'ala kaza wa kaza. Wa qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaza kaza. Qu'est-ce qui t'amène à t'opposer à cela? Explique-nous. Il va te redire, oui, mais Shir, on dira pas longtemps comme ça, Shir. Qala Allah ta'ala, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Suivez ce qui est descendu de votre Seigneur. Ne suivez pas en dehors de lui notre allié. Donc nous, on vient avec quoi? Coran wa sunnah. Comme a dit Allah Ta'ala, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela est meilleur pour vous et de meilleure interprétation. Donc on a un verset qui dit que si on diverge toi et moi, on revient à Kitab al-Sunnah. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'a pas dit on revient à Shir Fulen. Par contre, si Shir Fulen, lui, est en mesure de nous apporter des preuves du Kitab al-Sunnah, n'arme. Elle est d'accord. Mais là, ton Shir Fulen n'a pas apporté de preuves de ce qu'il dit. Il vient maslaha mafsada. Taïeb. Seulement la mafsada, la plus grande mafsada, c'est quoi? C'est de désobéir. Donc maintenant, est-ce que Shir Antel, il a une preuve? Normalement, quelqu'un qui est raquel, il va dire non. Il dit, est-ce que je t'ai apporté des preuves? Il va dire oui. Il dit, alors pourquoi on diverge? Et si après ça, tu t'opposes, là, on peut te blâmer. Naam. Car là, tu tombes dans le khilaf standard d'opposition à Dillah. Là où il n'y a pas place d'ijtihad. Et ça, c'est sur le point, beaucoup, ils ont glissé, ils n'ont pas compris. Pour eux, dès qu'il y a une divergence, oui, il y a divergence sur le sujet. Naam, il y a divergence. La divergence, elle n'est pas considérée. Et le Shir Fulen, il a fait ijtihad. Et si je te blâme, toi, cela n'implique pas que je blâme Shir Fulen. Parce que Shir Fulen, lui, dans son ijtihad, d'accord, il peut excuser peut-être. Allahu alam. Et c'est pas tout ijtihad qui est excusé. Hein. Faut pas croire non plus. C'est pas le savant, il est infaillible, dès qu'il fait un ijtihad, il est pardonné. Sinon, on ouvre la porte à la zanda, d'accord, on va tout permettre. Très peu de masaïl où il n'y a pas un savant, même de la sunna, qui aura une zelle, une glissade, comme on dit. Il sera trompé. Donc si on prend les permissions de chaque savant, comme Akele, Mantetaba Arocha, c'est la zanda. Ce qui suit les permissions de chaque savant, dans chaque sujet, il va tomber zindiq. Il va sortir de la religion. Il va tout rendre permis. Il va tout rendre permis. La seule différence qu'il y a, c'est pour des photos. Il y a plusieurs savants qui l'ont dit. Mais comme on dit nous, la vie, c'est pas le nombre. Des fois, il y a eu un khilaf. Le jumhur a eu tort et un seul savant avait raison. Il y a des masa'il où des fois, c'est un savant qui a raison, ou peu, et le jumhur, ils n'ont pas raison. Donc, c'est pas le nombre. Là, on parle de religion. Nous, on voit que tel avis, il y a des preuves, c'est interdit, c'est interdit. Ne me blâme pas si je te blâme. Accepte. Car je suis. Pour moi, ce que tu fais là, c'est haram, c'est parmi les kaba'ir. Et tu n'as pas de preuves qui s'y opposent. Donc, je vais te blâmer. Naam. Et le shir qui aura fait cette fatwa-là, je ne serai pas d'accord avec lui. Mais je le respecte, tant que c'est un savant de la sunna, qui n'aura pas d'autres choses sur lesquelles il aura dévié. Mais je dirais, l'avis de shir intel, sur ce point-là, il n'a pas eu raison. Donc, bien comprendre les masaïl des khilaf. Tafahum, parce que il y a place pour l'ijtihad et que le dalil il est interprétable. Là, il n'y a pas de problème. Tanawur, lorsqu'il y a plusieurs adillets pour une même adoration qui peut être faite de différentes façons. Et Tadad, celui-là, c'est celui qui s'oppose aux preuves. Celui-là, on te blâme. Qui que ce soit qui soit derrière toi comme savant, on te blâme. Si la preuve t'a été donnée, tu n'as pas accepté, tu persistes, on dit Shir Fulen Yom Al-Qiyama. Ce ne sera pas une khudja pour toi. Donc bien comprendre c'est quoi le sujet du khilaf. Donc il dit les sujets sur lesquels l'ijtihad est permis, l'interprétation est permise, c'est-à-dire que ça a toujours existé. Là on ne peut pas te blâmer. Seulement attention, cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs vérités. Al-haq wahid. Al-haq wahid. Cependant ton erreur t'est pardonnée. Car pourquoi? C'est une erreur ou c'est, on va dire, une compréhension que plein de gens ont eu avant toi. Et il y a une raison qui a amené à ce que cette compréhension apparaisse. Elle n'est pas arrivée comme ça par passion. Elle a une cause. Donc la cause, voyez, Yom al-Qiyama, tu seras excusé. Par contre, ça ne veut pas dire que tu as eu raison. Yom al-Qiyama, tu sauras qu'un tel a eu la bonne parole et toi non, mais toi, ton erreur, t'es pardonné. Par contre, les sujets, comme on l'a dit, les preuves sont claires et que tu n'as rien pour les interpréter à part un ijtihad, là où il n'y a pas lieu de faire ijtihad, là, tu prends le péché et là, on peut te blâmer pour cela, même on peut même te badder, on peut même te kaffar. Ça dépend de la masala. On peut te rendre innovateur, on peut te rendre mécréant, ça dépend du sujet. Ça dépend de toi comment tu te comportes. Ton avis, tu commences justement à t'allier, te désavouer pour un avis qui est faux, en plus, ah ben là, tu deviens innovateur. Et après, ça peut aller plus loin que ça.